Mes amis sont au bout du monde. Heureusement, la terre est ronde. De temps à autre, le soleil, ce silencieux qui nous surveille, parle d'amour à leur oreille. Mes amis sont au bout du monde. Quand j'ai l'humeur qui vagabonde, que je sois à Prague ou Marseille, le cœur en quête de pareil, je pense à eux dans mon sommeil. On traîne partout ses attaches, les tendres et aussi les apaches. Porte en soi ce que l'on aime, ceux qui nous aiment nous enchaînent. L'éloignement ne compte pas, parce qu'on les emporte avec soi. Le cœur est un grand voyageur, il est toujours chez lui ailleurs. Mes amis sont au bout du monde, et quand l'absence se prolonge, on jette un message à la mer, une pensée dans l'atmosphère, qu'on soit n'importe où sur la terre. Mes amis sont au bout du monde, souvent l'absence est un peu longue. On fouille dans les souvenirs des moments qui nous font sourire et l'on cherche à les retenir. La chambre d'amis dans mon cœur est pleine d'oiseaux migrateurs. Dès qu'ils sont partis sur le vent, qui ne reviennent pas souvent. On cherche tous, chacun la flamme, pour mettre le feu à son âme. Le cœur est un grand voyageur, il est toujours chez lui ailleurs. Mes amis sont au bout du monde. Heureusement, la terre est ronde. De temps à autre, le soleil, ce silencieux qui nous surveille, parle d'amour à leur oreille. Mes amis sont au bout du monde. Et quand j'ai l'humeur qui vagabonde, que je sois à Prague ou Marseille, le cœur en quête de pareil, je pense à eux dans mon sommeil. On traîne partout ses attaches, les tendres et aussi les apaches. On porte en soi ce que l'on aime, ceux qui nous aiment nous enchaînent. L'éloignement ne compte pas, parce qu'on les emporte avec soi. Le cœur est un grand voyageur, il est toujours chez lui ailleurs. «

petit vaisseau dans le grand vide. À ces aveugles qui l'amènent, il vaudrait mieux serrer la bride. Prisonnier de l'ultime urgence, le temps s'écourte dans la nuit. Gaspiller la dernière chance, c'est plonger. C'est plonger dans l'immense oubli. Ne perdons pas la boule, ne perdons pas la boule. Perdons pas la boule. Ne perdons pas la boule. Thank you.